Voilà, c'est l'intempestive. Martine Launay. Donc, moi, c'est David Chéreau. J'étais institutrice. Moi, je suis plutôt chargé du côté physique du centre de découverte du son, du bon fonctionnement du sentier musical et du jardin. J'ai amené mes élèves plus d'une fois. En fait, moi, j'avais pas grand-chose à voir avec le son. Enfin, je suis musicien, mais c'était pas pour ça que j'étais là. Moi, je venais de galérer un petit peu en faisant des chantiers par-ci, par-là. Moi, c'était plutôt le paysage, l'entretien de l'espace rural, des choses comme ça. J'avais fait une petite formation là-dedans. Maintenant, si vous voulez, je peux vous dire comment j'ai découvert le centre du son. J'étais partie en balade avec ma maman dans la campagne. Et puis, en promenant un dimanche avec ma compagne de l'époque, on a vu une pancarte à la découverte du son sur une palette au feutre. Mais tiens, c'est quoi ça? Et on voyait des gens sur les chemins, on ne comprenait pas trop ce qu'ils faisaient. On a fini par s'arrêter pour demander, mais parce que c'était des petits groupes par endroit comme ça et qui avaient l'air de chercher. On est allé voir et puis il y avait une grosse pancarte, un sentier interdit au public. Alors bien sûr, on est rentré. Et puis on s'est arrêté pour leur demander. Et en fait, c'était un rallye sonore. Et je me suis retrouvé sur un sentier en construction, quoi. Et je me suis dit, oh, c'est exactement ça que je veux faire, quoi. J'avais plein d'idées en étant sur le sentier et des trucs d'aménagement. C'était organisé par une association qui est maintenant le centre du son de Cavan. Puis c'est tout. Et puis il s'est passé un an, je crois. Et c'est ma postière qui m'a dit, tiens, il y a du boulot là. Tu devrais envoyer un CV, quoi. J'ai envoyé mon CV. Et je me suis retrouvé ici. Je ne savais même pas que c'était ici quand j'ai envoyé mon CV. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait un sentier musical qui était déjà à ce moment-là presque bien achevé. Toutes les structures étaient déjà en place, quoi. Je m'appelle Gilbert Priol, voilà, j'ai 58 ans, hein, bon, et puis j'habite Cavan, et donc je connais effectivement Marius depuis de nombreuses années. Marius, de mon vrai nom Guy Noël Olivier, directeur du centre de découverte du son. Et c'est un peu comme ça qu'effectivement il m'a demandé un jour de participer effectivement au conseil d'administration du centre de découverte du son. Pour moi, Marius, c'est un peu un géotrouve-tout. Il est toujours, toujours en mouvement, toujours en train d'essayer d'imaginer des choses. C'est effectivement peut-être un aboutissement de plusieurs choses que j'ai vécues, que ce soit dans ma petite enfance, le fait d'être dans la nature tout le temps, de faire beaucoup de bricolage. Il y avait un dépôt d'ordures pas très loin. Non, c'était pas des bouvrailles, ça. De chez moi, et je ramenais toujours plein de choses pour bricoler. On était toujours dans la ferraille aussi, en train de chercher des choses à détourner. Donc j'ai commencé à faire de la musique traditionnelle bretonne, donc du biniou, de la bombarde, de façon autodidacte, donc en expérimentant, en écoutant ce qui pouvait se faire à droite à gauche, en allant dans les, en écoutant dans les festounos. Au niveau écoute, comme à l'époque il n'y avait pas énormément de monde dans les festounos, donc j'allais en stop aux festounos, mais je revenais toujours à pied, donc j'avais tous les samedis, je faisais la nuit à peu près 15 ou 20 km pour rentrer chez moi vers 4 heures du matin. Et en fait, quand on marche la nuit comme ça, on écoute beaucoup. Exceptionnellement, on pourrait avoir un verre d'eau entre deux. Vous courez. Un verre d'eau entre deux, une courrée pour toi. Si la panique courrée, c'est de la bière. Oh la la la la la la la la la la la la la la la. Je fréquentais beaucoup l'école de musique de Vega, le milieu Fesnos, tout ça, tous plus ou moins musicaux. C'est Jacques Gobichet, 58 ans, infirmier, qui était dans l'équipe qui a démarré le sentier musical d'abord. Je ne sais pas comment que la sauce a prise. Je crois que c'était. On a commencé par se retrouver et puis on avait dû démarrer sur un rallye musical, je crois. Puis il y a eu des rencontres musicales qu'on a créées pendant quelques années, là, avec concours de musique, concerts. Enfin, c'était déjà le gros truc. Des concours pour trio, quatuor et quintette, donc 3, 4, 5. Et d'où le nom de l'association qu'on a créée en 1994, 3, 4, 5, trio, quatuor, quintette. Donc, à la base, sur le rallye musical, on avait dégagé déjà un espèce de chemin creux qui était envahi. On avait proposé des jeux musicaux à pas mal de gens, ça avait bien pris. Et c'est peut-être de là qu'est parti l'étincelle du départ. Bon, je ne sais pas vraiment le jour où ça... C'est passé de la musique au son, au bout. Non, pas mal. On a organisé aussi, en 94, un premier Fesnos qu'on a appelé Fesnos Mode Néoui. Fesnos Mode Nouvelle, si on veut, ou moderne. Un petit peu en réaction par rapport à une tendance qui existait à l'époque, une tendance dans les Fesnos où la scène prenait énormément d'importance de par des choix musicaux de certains groupes ou de certains sonorisateurs. En fait, il y avait un volume sonore qui écrasait tout le reste. Donc un petit peu la danse, la convivialité, la buvette, tout ça, c'était écrasé par le niveau sonore de la musique. Et donc on a fait le pari de supprimer la scène en emmenant les musiciens et les chanteurs par l'utilisation de micros HF, donc parmi les danseurs. On utilisait aussi de la multiphonie, ce qui permettait d'avoir un niveau sonore faible mais très confortable, et plusieurs haut-parleurs, plusieurs enceintes réparties en travaillant un peu partout dans la salle, quoi. Il n'y avait pas besoin d'hurler pour se faire entendre, pour discuter avec des copains. Vous êtes prêts ? Oui. Tout le monde est prêt pour y aller ? Oui. On prend chacun une baguette. Je suis Jérôme Amelin, animateur audio-naturaliste au Centre de Découverte du Son à Carreau. Tu prends une pourquoi pas, puisqu'on était deux dans l'association qui intervenait en milieu scolaire pour de l'éveil musical. On s'est dit, bah, pourquoi pas faire venir les écoles sur des sentiers, d'où l'idée d'aménager un sentier musical de randonnée au départ, qu'on a appelé très vite sentier musical, mais qui en réalité était un sentier sonore, un sentier d'écoute plus que musical. Et donc quand on est parti sur ce projet de sentier musical, en débroussaillant des sentiers, on est tombé sur une petite vallée qui était en vente. Puis le lieu est magique, hein, pour ceux qui ont été, il y a des endroits à 5 lieues là-dedans, piou, à 1 km du haut. Et à l'époque, la communauté de communes du centre Trégor venait de se créer, a été intéressée pour acheter la vallée. Ce qui a boosté le truc, c'est qu'on avait l'aval de la communauté de communes aussi. Pierre-Yvon Trémel, entre autres. Et à l'époque, il y a un monsieur Trémel décédé depuis, qui nous avait quand même fait confiance déjà au départ, et qui avait un peu cru dans le projet. Quand même. Mis à disposition des bâtiments, et puis régler ce problème de terrain qu'ils avaient squatté, hein, parce qu'il faut reconnaître ce qu'ils avaient squatté quand même. Oui, puis réhabiliter tout ce site, là, parce que c'était quand même une déchette sauvage, un peu que toléré par les Cavanelles. Puis c'était un lieu qui était très habité par la mémoire des Cavanelles, hein, quoi. Puisque certains Cavanelles ont encore connu leurs parents ou grands-parents qui allaient laver le linge au lavoir là-bas. Quoi. Dans la population locale, ça faisait un peu jaser, ça faisait un peu les gens se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ces hommes des bois là qui sont en train de taper sur des bouts de bois, sur des troncs, sur des choses. C'est vrai que c'était un peu curieux. Hein, c'est... Les Cavanelles étaient un peu des fois... chagriné de payer une entrée. Mais... Quand on leur expliquait qu'il y avait tous les emplois de ça derrière, tout le travail, ils comprenaient bien le truc. Est-ce qu'une fille voudrait venir prendre ma place de chef d'orchestre? Tu veux venir, Mathilde? T'as dit moi. Ouais. Donc en 95, naissance du projet Centre de découverte du son. Et donc, je me dis, tiens, t'as quelque chose de nouveau. Je ne donnais pas cher de sa pérennité, ça c'est clair. J'avoue que quand je vois où il en est maintenant, je ne donnais pas cher. On a voulu, comme la collectivité investissait, on a voulu investir un petit peu à part égale au niveau associatif. Donc on a fait appel à d'autres associations avec qui qui étaient proches, avec qui on avait travaillé. Par exemple, Gualles Perrette de Bégard, et avec qui on avait organisé des fest-noz. Startigène de Loire-Gat aussi, une autre association. Le Bagat de Pérouse. Alors Yvette, qui a connu le centre de découverte du son par l'intermédiaire du Bagat zonérienne Bourdéguer de Pérouse-Guiret, est allée en stage là-bas. Le Bagat, c'est un orchestre breton. Où jouent des cornemuses, des bombardes et des caisses claires et grosses caisses. Voilà, on est allé en stage d'abord là-bas. Et par la suite, de fil en aiguille, en parlant avec Marius, le responsable de 345, on a été amené à faire des journées de défrichage, les ronces, les fougères, tout ça. Et pendant 3 ans, on a comptabilisé plus de 10 000 heures de bénévolat en aménagement du site, quoi. Ce qui permettait d'investir d'égal à égal, si on veut, par rapport à la collectivité. On l'entend dans le ton, on entend plusieurs sons en même temps. On entend plusieurs sons en même temps. Et même quand il y a le son très grave, là, on entend un son très aigu et le son très grave en même temps. Écoutez. Vous entendez le son très grave et le son très aigu? Écoutez encore. Et continuez à les écouter, là, le son grave et le son aigu, puis tous les autres en même temps. Et on a été un peu fascinés par ce qu'on a vu. C'était donc, c'est dans une vallée arborée, c'est un petit bois en fait, une vallée qui est boisée et qui a un petit petite rivière qui coule dans le fond. Et tout le long de cette rivière, et aussi un peu dans le bois, il y a tout un circuit qui a été rallongé depuis, mais qui faisait dans les 800 mètres au départ. Et tout le long de ce sentier, il y a des structures sonores. Enfin, il faut participer pour qu'il y ait du son. Il faut agir. Et ça a été une découverte sympa, quoi. Ah oui, complètement. Moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait des sons. Tendre l'oreille et puis écouter. Alors ça, c'était une découverte pour moi. Ça, c'est clair. Puis la transmission du son, c'est-à-dire toutes ces choses-là. Moi, quand j'ai été la première fois sur le sentier, enfin, quand il était un peu finalisé, j'étais comme un gamin, quoi. J'étais comme un gamin en train de taper sur le truc, écouter, des choses comme ça. C'est vrai que ça m'a... J'ai complètement découvert. J'ai découvert le son. Je me rendais même pas compte que ça faisait partie de nous, quoi. Je peux vous assurer que mes élèves et moi-même, ça a été un moment magique et... Je sais qu'ils ont vibré. Très grave, là, celui-là, on l'entend bien. Ça fait une sorte de bruit qui est un peu continu, là. Ça fait... Un peu comme ici. Hein. Écoutez, là, le... C'est comme s'il ne s'arrêtait pas, celui-là. Je me retrouve à être attentif à plein de petits sons, même dans la vie de tous les jours. Hein. Et du coup, ça m'a aussi servi même pour ma pratique de la musique, de la batterie ou de percussion. Je me retrouve à taper vraiment sur n'importe quoi et à en sortir des sons cohérents, quoi. Aller chercher la vibration de la matière plutôt que juste à appliquer des rythmes sur quelque chose, quoi. Le sentier musical, ça a plus sens d'expliquer ce qu'est le son et comment ça fonctionne dans l'environnement, par la manipulation, par le jeu, à l'aide d'une cinquantaine d'installations qui sont sur le parcours en forêt. De l'autre côté, le jardin sonifère qui est beaucoup plus récent. Là, c'est un jardin qui est en forme d'oreille. Le cheminement est en forme d'oreille et en fait nous permet de comprendre comment fonctionne notre oreille et donc notre ouïe. Et dans ce jardin, on a aussi en parallèle un choix de plantes qui va être axé sur leur capacité à produire ou à accueillir des sons. Donc soit à produire des sons par la musique verte, donc fabriquer des petits instruments avec des légumes ou des plantes, et soit une végétation qui va privilégier la présence d'oiseaux, chanteurs, des micro-habitats où on va trouver des batraciens et puis des insectes qui vont produire des sons comme les sauterelles ou les criquets par exemple. Les structures fonctionnent de par le contexte dans lequel elles sont. Par exemple, il y a des sortes de portes dans le parcours du sentier musical, donc des sortes de portes. On passe d'un monde à un autre. Ces portes sont renforcées de par les différentes ambiances sonores, mais aussi il y a des différences de température, des changements brusques de température, il y a des changements brusques d'hygrométrie, il y a de luminosité. Donc on essaye de s'appuyer là-dessus pour faire fonctionner le lieu. Donc une structure n'est pas toute seule. Elle ne peut pas être extraite du lieu, elle est complètement intégrée et dépendante du lieu et même dans son fonctionnement. Ouais, pour que ça s'intègre dans le paysage ou que ça ne s'intègre pas, ça dépend des choix qu'on a faits. Ouais, que ça ne soit pas juste une simple installation importée comme on peut en voir parfois, des choses qui ont été faites entièrement... dans l'atelier d'un artisan ou d'un artiste quelque part, et puis qui sont parachutés sur un autre endroit. On travaille vraiment du sur-mesure, quoi. Et maintenant, on va faire ceux qui répondent au loin. C'est-à-dire ceux qui sont ici qui appellent. Ouais. Plus fort, très très fort. Ouais, très fort. Très très fort. Très très fort, mais sans crier. Je suis principalement animateur avec les scolaires. Donc on accueille de mars à juin à peu près, et puis de septembre à novembre. Et sur les temps annexes, on est sur un travail de maintenance du sentier musical et du jardin somnifère. Et puis aussi d'accueil touristique en juillet-août et puis pendant les vacances scolaires. Dès l'automne, là, maintenant. Donc moi, je fais un tour du sentier en repérant toutes les installations qui sont un peu vieillissantes ou qui auraient à perfectionner. Un talus à un endroit qui a à réaliser, enfin des choses comme ça, quoi. Je monte dans les arbres et j'élimine tout ce qui est dangereux, tout ce qui risque de tomber. Moi, je l'accroche au rouge. Ah, d'accord. Alors je m'appelle Sébastien Toinen et donc je suis animateur et puis technicien multifonction. Vous faites quoi là alors ? On rattache les fils de cascade. Les fils de cascade ? Les fils de couleur, en fait c'est comme des flèches, ça indique les cascades à écouter. Il y a plusieurs cascades, là on est dans un endroit où il y a pas mal de cailloux, de rochers. Et donc on fait écouter les gens, on fait écouter les cascades aux gens. Donc pour leur indiquer les différentes cascades, il y a des fils de couleurs qui indiquent les cascades à écouter. Il y en a un qui s'est décroché, on ne sait pas pourquoi. On les décroche l'hiver en fait, parce que sinon avec la montée des eaux, avec les crues qu'il peut y avoir, ça les arrache. Donc on les décroche l'hiver et puis là on les a raccrochés, mais il y en a une qui s'est décrochée, donc on s'en occupe. Alors souvent, ouais, les installations, enfin, ou l'aménagement, il y a certaines personnes qui placent ça dans une démarche artistique. En fait, ce n'est pas du tout une démarche artistique, c'est une démarche de bricoleur, avant tout. Quand on veut mettre en évidence un phénomène sonore, souvent, on part de choses très compliquées, donc on n'utilise pas d'électronique, donc on n'utilise que de la mécanique. Donc souvent, les structures sont très complexes au départ, et comme elles sont très complexes, elles tombent toujours en panne, ou elles ne fonctionnent pas, ou les gens ne comprennent rien, donc il faut les simplifier. Là, dernièrement, dans le jardin, par exemple, on a fait tout un espace qu'avec des fenêtres récupérées, qu'on a rassemblées, pour faire un espèce de mini-labyrinthe, et entre chaque, à la place des carreaux des fenêtres, les vitres des fenêtres, il y a plein de petits mobiles qui bougent avec le vent, quoi. Donc ça, c'était expérimental parce que déjà, il fallait trouver la façon d'assembler toutes les fenêtres, le parcours, de situer ça dans le jardin pour que ça, qu'il y ait une continuité avec ce qui existait déjà. Et puis aussi, de trouver chaque petit mobile, de tester chaque mobile qui est fabriqué à base de récupération, bien sûr. Quoi. On n'a pas acheté des mobiles chez le marchand de mobiles. Et puis là, en réunion, on va en reparler, et puis on verra ce qu'il faut changer pour que ça marche vraiment, quoi. Il y a des choses qu'on ne voit pas toujours juste en réfléchissant, c'est aussi par l'expérience du terrain, de l'utilisation des gens, des choses auxquelles on n'avait pas pensé que ça pouvait s'utiliser comme ça, ou ça pouvait s'abîmer comme ça, plutôt. Plus une structure est simple, plus elle est efficace, plus elle est évidente, plus elle est comprise. Et je pense qu'à partir de là, souvent, elle devient esthétique parce qu'elle est efficace, quoi. Souvent, comme c'est une petite association, on a peu de moyens. Donc, dès le départ, dès l'ouverture du sentier, ça a été de faire avec les moyens du bord et donc avec la récup, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, on commence par se tourner vers des choses récupérables. Ou alors des choses qui ont une fonction et qu'on peut transformer à notre sauce, entre guillemets. En fait, dès le début du centre de découverte du son, on a été obligé de faire un choix. D'une part, les structures qu'on voulait construire, au début, on nous a dit il faut faire des commandes à des artisans ou à des entreprises. Donc on a fait l'expérience, Et c'était catastrophique, quoi. Ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on avait besoin. Donc on s'est dit, bah, la seule solution, c'est qu'on fabrique nous-mêmes. Et il faut arriver à avoir suffisamment de matériaux et de matériel pour faire des expériences. Et on a des projets, mais on ne sait pas toujours exactement où ça va nous mener, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Ben, c'est ce qui est intéressant ici, c'est que oui, c'est pas que de l'entretien, c'est qu'il y a toujours des projets en cours, quoi. Ça ne s'arrêtera jamais, je pense. Et ça, c'est intéressant. C'est la cabane de la chèvre qui en vient. Voilà. C'est dur d'être un escargot. Je fais un coup de main pour la mettre dedans. On va essayer de faire la plus légère possible. Il y a une chèvre au centre de découverte du sol. Il y avait, ouais, elle est partie. En fait, l'hiver, on l'avait mis en bas dans la vallée pour entretenir la vallée. On avait des énormes ronciers. Et pendant tout l'hiver, elle a attaqué le roncier, quoi. Elle a ouvert une grande surface. Hein. Et donc après, on était obligé de la renlever parce que bon, s'il y avait une chèvre sur le sentier, les enfants ils seraient plus intéressés par la chèvre que par les sons qu'on entend autour. Donc la chèvre, elle avait plus de boulot, quoi. Ouais. Donc, oh, elle a de quoi faire chez moi. Elle est retournée chez elle. C'est bon. Alors, cabane de chèvre faite maison, un centre de découverte du son, 100%. Ça veut dire tôle, fer à béton, roue de vélo. De poussette, non ? Et bout de palette. Très important, la palette au centre de découverte du son. T'as vu, t'as pris la chèvre. Et l'avantage de cette cabane-là, c'est que tu peux la bouger. On va peut-être la breveter. Hein. Ouais. Voilà, encore quelques années de recherche. Il y a un autre élément qui tient plus à la démarche pédagogique donc qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est d'emmener les... On est dans une démarche d'appropriation. Donc on définit comme une démarche d'appropriation au niveau pédagogique, l'idée étant que les personnes qui visitent nos installations se disent en sortant c'est évident, j'ai ça chez moi, je le fais tous les jours, à la limite j'ai rien appris, quoi. C'est pas apprendre, c'est vivre des choses. Et puis et donc avec les objets du quotidien, avec les situations du quotidien, avec les contextes du quotidien, il y a des tas de choses à écouter, il y a des tas de jeux, des tas de choses à faire en production sonore. D'où le choix d'avoir au maximum des objets de récupération que chacun peut avoir chez lui et détourner à son tour. La visite au centre, c'est, nous on la conçoit comme un début pour aller écouter ou pour aller vivre le sonore à l'extérieur, au-delà du centre, quoi. C'est un marche-pied, quoi, pour l'oreille, quoi. Alors on va... À quoi ça sert, en fait ? À quoi ça sert ? Bah, c'est comme tous les objets qu'on a fait tout à l'heure, ça sert à faire des sons. Bah, ouais, et après, t'as plus besoin de le faire tourner, ou ça tourne tout seul, ou tu le... Non, je continue de le faire tourner, ouais. Attends, je suis en bout. Et celui-là, il fait un autre son. En fait, là, celui-là, regardez, c'est un tube de bambou que j'ai ouvert, comme ça j'ai fait une rainure dedans, et le vent il va s'engouffrer dans la rainure, et en allant dans la rainure il va faire des sons. Je vous fais écouter ça. Voilà, ça aussi c'est une rhombe. Les sons buissonniers, on part dans la nature et on essaye de faire des sons avec ce qu'on trouve dans la nature. Donc On fait siffler des cupules de gland, on fait vibrer des feuilles de lierre, on fait vibrer des tiges de sureau. Enfin voilà, et puis on part, on expérimente, c'est beaucoup de l'expérimentation. Ça leur apprend aussi à être patient et téméraire parce que souvent ça marche pas du premier coup et donc ils prennent le temps d'apprendre, de changer de position, de souffler différemment. Et puis petit à petit, ils découvrent les sons qu'on peut faire avec les végétaux. Avec le vent, il va partir plus vite. En fait, ce qui est bizarre, c'est... Ah ouais, il est parti. Quand on rentre des animations, le rapport que les enfants ont avec le son a vraiment changé. On le sent en direct, des choses toutes simples, mais un enfant qui va coller son oreille sur le bois pour voir si on entendait son, ils s'aperçoivent que le son nous entoure et ils ont un rapport différent avec ce son. Et donc j'y suis allée après avec mes élèves, bien sûr. Quand on se promenait dans la nature ou partout où on allait, on avait des moments d'écoute. Chose qui n'est pas possible en primaire, ou bien il faudrait changer beaucoup de choses. Et je pense que c'est dommage, c'est vraiment dommage que l'éducation ne s'occupe pas plus de cet apprentissage, parce que c'est un apprentissage comme un autre, et qui devrait faire partie des programmes. Et du fait qu'ils aient vécu ces moments très intenses au sentier, avec les animateurs qui ont été vraiment... qui ont su attirer leur attention et vraiment découvrir leur oreille et ce qui se passait dans leur corps quand ils écoutaient. Qu'en classe, même si on n'était pas dans la nature, on pouvait aussi, que ce soit dans la classe, dans la salle de jeu, des moments fabuleux parce que je leur avais fait découvrir une chanson, je ne sais plus de quel chanteur, et qui s'appelle « J'entends mon cœur qui bat ». Et donc on la chantait « j'entends mon cœur qui bat ». Enfin, c'était une chanson comme ça. Et eh bien, on s'allongeait dans la salle de jeu et on essayait, je leur disais, mais on peut peut-être entendre notre cœur qui bat, on va écouter et peut-être l'entendre. Et il n'y avait pas besoin de... Comme ils avaient vécu des moments d'écoute déjà, eh bien, ils étaient très attentifs et sensibles à tout ce qu'ils entendaient dans leur corps. Et je pense que peut-être certains ont entendu leur cœur qui battait. Et en tous les cas, s'ils ne l'ont pas entendu ce jour-là... Je pense qu'ils ont essayé de l'écouter depuis, peut-être plusieurs fois, et qu'ils continueront. Bornes campanaires. Bornes campanaires. C'est sur les bornes campanaires que sur les cloches. Ils ont enregistré les sons des cloches ici. Il y en a partout dans 8 communes, la communauté de communes. Tonquédec, plus une nette qu'avant, Prat. Quatascorne, La Roche, Quimpervin, Confort, c'est marqué sur la carte où il y en a. Kawenec, Quatascorne. Ce qui m'a marqué peut-être aussi, c'était les coups de campanaire. Avec Marius, nous sommes allés écouter, enregistrer des sons de cloche et dans les petites paroisses et tout ça. Je ne m'étais jamais arrêtée à écouter aussi précieusement le bruit de chaque son de cloche dans les paroisses. C'est génial. Ça aussi, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça avait à l'époque. Maintenant, on écoute, mais dans le temps, ça servait de communication. Les cloches, bien sûr. D'une commune à l'autre, on savait quand il y avait un enterrement, quand il y avait un mariage, quand encore maintenant, mais bon, maintenant tout est devenu tellement moderne qu'on ne sait plus écouter ça encore, on a oublié ça. Et il y a eu l'inventaire de fait, de chaque clocher a été enregistré, mais non seulement on enregistrait d'en bas, mais on montait voir les cloches. C'était assez passionnant, il fallait attendre d'enregistrer les jours où il n'y avait pas de vent. Donc on écoute tout ça, nous aussi, maintenant. Et suite à cette étude aussi, il y a eu dans chaque village une borne d'écoute. Et c'est-à-dire que les cloches du village, quand on appuie sur un bouton, on entend l'histoire de la cloche et son nom, et à quel moment elle a été baptisée, en quoi elle est faite, d'où elle vient. Et on apprend à écouter. Et toutes les personnes du village peuvent en profiter. Et je pense que suite à cette écoute, ils n'écoutent plus de la même façon. Moi, je faisais pas la différence entre un bruit et un son. Et j'ai une entreprise de travaux agricoles qui est juste au-dessus, là. Et puis, jusque-là, je n'entendais que du bruit. Et ça me dérangeait, forcément. Et puis, il y avait du bruit. Et puis, en fin de compte, au fil des conversations, quand on écoute différemment, avec les conseils de Marius, bien entendu, eh bien, on s'aperçoit que ces bruits-là sont aussi des sons, quoi. Et qu'effectivement, ça nous permet de repérer des choses. Ça nous permet de repérer... de deviner qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui marche, que fait la personne qui est là, elle tape sur quelque chose, sur du métal et tout ça. Et donc du coup, on n'entend plus le bruit, on entend le son. On essaye de développer des projets sur le territoire, donc sur l'ensemble du Trégor, pour connaître l'environnement, comment est constitué le sonore de ce territoire. Donc moi, sur la sonodiversité, donc ce qu'on appelle la sonodiversité, c'est la diversité des sources sonores. Et dans cette sonodiversité, moi je suis plus spécialisé sur la sonobiodiversité, qui va être le sonore lié au vivant non humain. Donc toutes les productions sonores animales, principalement, et aussi donc ce qui va être... des sons climatiques ou des sons d'éléments naturels, comme l'eau par exemple. Et là, sur l'espace du Trégor rural, on a d'un point de vue naturel et naturaliste, on a une grande variété de paysages et de milieux qui va permettre de favoriser une bonne diversité sonore, donc une bonne sonodiversité. Et donc on essaye aussi d'être présent en proposant aux différents publics d'aller dans des endroits où il y a des choses assez spectaculaires à écouter ou très agréables. Je voulais aussi parler un peu d'un échange qu'on a vécu avec un homme, Elitet, qui était ingénieur du son. Elitet, la sirène. La sirène, c'est... à la fin, c'est pour une écoute nouvelle de l'environnement. J'ai trouvé assez intéressant la démarche. Ils avaient travaillé sur le parc du Haut-Jura pour mettre en valeur des sites sonores, des sites acoustiques remarquables. Et qui connaissaient chaque son de la nature. On allait, par exemple, au château de la Roche-Aguë. C'est un endroit magnifique qui appartient... au département qui est entretenu de façon superbe. On a été plusieurs fois à 5 heures du matin, voire plus tôt, parce qu'il fallait qu'il n'y ait aucun son pour pouvoir faire les enregistrements qui puisse gêner ce qu'on voulait enregistrer. C'est-à-dire, et c'était en quadriphonie. Il y avait des micros dans les quatre directions et on a fait des écoutes à différentes heures et différents matins dans un silence. Et, parce que c'est un château qui se trouve un peu quand même éloigné de tout. Et la rivière passe tout près. Et là, on a appris le silence surtout. Là, j'ai... découvert, passer Parce que quand on enregistre, on attend déjà que ce soit le moment, l'endroit le plus propice, le meilleur pour créer l'enregistrement le meilleur. Dans la société où on est aujourd'hui, on a perdu le lien, c'est pas passéiste hein, ce que je dis, mais on a perdu un certain lien avec l'environnement naturel dans lequel on vit, et on est habitué à ne parler que des bruits, à n'écouter que de la musique, et à ne communiquer que par la voix. Et on a perdu la signification des sons qui sont dans notre environnement, et notamment des sons animaux. Et en fait, les promenades d'écoute naturalistes qu'on peut proposer, ça a pour but, pas forcément de renouer ou d'être un retour aux sources, mais d'écouter, de prendre la peine d'écouter et de se rendre compte qu'il y a une diversité incroyable de sons animaux autour de nous, qu'on n'entend presque plus, qu'on a comme un fond sonore. Mais là, l'utilisation de matériel spécifique comme la parabole, le micro-parabole et donc les casques sans fil qu'on distribue aux participants permet d'être vraiment plongé dans cet univers sonore, au milieu de cet univers sonore, et d'avoir une proximité avec les sources, une proximité virtuelle qui fait que on ne dérange pas l'animal et on peut l'entendre comme si on était juste à côté, comme si les oiseaux venaient chanter à notre oreille, murmurer à notre oreille. En fait, le fait d'avoir cette proximité-là, les sons sont plus clairs. Et puis, ça nous permet de pouvoir en discuter. Et puis, de se rappeler des choses qui se pratiquaient dans le temps, comme l'animologisme, par exemple. Le fait que dans la vie rurale, il y a à peine une cinquantaine d'années, il y avait... les sons animaux, c'était un peu un calendrier. Ça nous permettait de nous caler dans le temps sur des pratiques quotidiennes. Et en fait, le fait d'avoir le pouillot véloce, par exemple, qui fait tip-tap, il a un son très particulier et il est surnommé le compteur d'écu, parce que c'était l'époque en fait, où il se mettait à chanter, où il y avait le percepteur qui venait récolter l'impôt. Et en fait, à ce moment-là, dès qu'on entendait le tip-tap qui chantait, on disait « Ah, c'est le compteur d'écu, tac, on sait qu'ils vont venir récolter l'impôt, on peut mettre peut-être quelques petites choses de côté, histoire que ce ne soit pas récolté. » Donc c'était vraiment un calendrier. Il y a d'autres espèces qui vont dire « Fends tes bûches, fends tes bûches ». Il y a tout un tas de petites phrases qui sont calées sur les sons des oiseaux qui permettaient de se repérer, en fait. C'est un peu l'hirondelle qui fait le printemps. Et aussi, le centre a invité les personnes, soit des touristes, soit des gens du coin, à des parcours d'écoute, dans la campagne bien sûr, mais aussi dans les villes. Et chercher des endroits où on écoute. Et passer dans un autre endroit de la ville, qui n'est pourtant pas très éloigné, et où on entend complètement différemment les choses, que ce soit le bruit de la rivière, le bruit du vent, les voitures, les sons ne sont plus du tout les mêmes, et pourtant on n'est pas très loin. Et donc c'est, voilà, les gens apprennent à écouter et à comprendre pourquoi là on va entendre différemment de là, et qu'est-ce qui peut améliorer dans les villes, qu'est-ce qui pourrait justement améliorer dans les villes pour que le son soit moins... néfaste aux gens, et qu'on aille vers une écologie sonore. J'avais jamais entendu le mot écologie sonore. Je savais qu'il y avait des sons qui pouvaient être dangereux, des sons qui pouvaient faire mal aux oreilles, mais ça se limitait un petit peu à ça. Je savais qu'il y avait des sons agréables, désagréables, mais finalement j'ai découvert l'ampleur de cet univers, quoi, en travaillant ici au centre. La démarche d'écologie sonore, même si elle a une cinquantaine d'années, c'est très récent, quoi. Donc ça se construit, ça continue à se construire. C'est sûr que quand on parle du sonore, d'écologie sonore, surtout par rapport aux collectivités, par rapport aux décideurs, ils sont intrigués ou un peu surpris. Ils disent oui, bon, ben d'accord, c'est, pourquoi pas, c'est bien. Enfin bon, passons au sérieux. Donc, c'est pas un élément qui est souvent qui est considéré comme pertinent pour être pris en compte dans l'organisation de la société en général. Sauf que petit à petit, ça évolue. Que ce soit l'Europe, les ministères s'aperçoivent que tous les la gestion du sonore via la réglementation et la lutte contre les nuisances sonores, ça suffit pas et qu'il y a peut-être d'autres approches à avoir. Et donc il y a une réflexion qui évolue là, assez rapidement, je trouve. Alors concrètement, par rapport au territoire ici, par rapport au Trégor, le fait qu'on soit toujours là, bon, ça a permis de on est rentré dans le paysage local, quoi. Donc le sonore progressivement est rentré dans la presque comme une évidence pour pas mal de collectivités au niveau local. Comme on est présent au niveau du territoire dans différents ateliers, on a fait rentrer aussi des éléments vis-à-vis du sonore dans différentes chartes, dans différents programmes. Donc, ce qui permet d'avoir une base pour agir par la suite. Vous avez parlé de Logivi aussi, par une activité Logivi. Fernand Desgossen, donc audio-naturaliste. La dépêche. Et où va le village ? Oh, moi je mettrais ça, moi je me mettrais sur la place du village là. Sur la place. Tu sais, sur le bord de. Là où il y a tous les casiers. Comment ça s'appelle Rainier de mer, à Tourteau et tout ça, quoi. Ou alors tu as le piquet là, tu sais, qui est dans au centre du port, là. La petite jetée avec la balise. Tu as l'église là, oui. Donc la place ici, oui. Avec les casiers. Oui, tu as le caillou qui est là, l'usine là. Là, tu as les marches pour descendre, tu peux descendre quoi, sur la... Je vais enregistrer là, ici, parce que là, du côté là, c'est intéressant, quand les cloches sonnent, bah, oui, c'est bien. Non, mais tu sais, là, tu as le caillou, ça c'est le caillou qui fait l'entrée, ouais. Et là, tu as l'usine là, ouais. Hein, et puis les bateaux arrivent comme ça. Ouais. Mais là, tu as une digue avec un piquet, là, une balise. Et moi, la dernière fois, je suis allé là, au milieu. Et c'est vachement bien. Tu captes tout, tu captes les bateaux qui arrivent, tu captes toute l'ambiance du village et pas trop les voitures, du coup, puisque tu es là, tu es assez éloigné. C'est pas trop, c'est trop très humide, exposé au vent. Ah ben oui, mais il faut des bonnes bonnettes. Hein. Parce que à chaque fois, je suis allé par ici. Il faut des bonnes bonnettes. Hein. Faut des bonnettes intéressantes. Et là, du coup, quand tu es là, tu es installé, les goélands, ils passent et tout. Ils viennent se poser là sur la vasière. Ils repartent. Il y a toute une activité. Puis, ils font pas trop gaffe à toi, les bestiaux. Dans la prise en compte, justement, du sonore sur le territoire, on avait lancé un projet très ambitieux, et très général, qu'on avait appelé Site sonore en Trégor-Guélo, en 2001. Donc c'était suite à l'obtention du décibel d'or qui a été décerné par le ministère de l'Environnement ou de l'Écologie, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque. Et donc tous les projets qu'on a pu développer depuis, on les inscrit dans ce vaste projet. Et là, l'aboutissement de ces différents projets, ça va être prochainement donc le démarrage d'un projet d'observatoire sonore du paysage en lien avec des démarches d'observatoire photographique des paysages. L'idée étant que les différentes collectivités, que ce soit la région, les communautés de communes, les agglos, s'emparent de cette démarche et développent eux-mêmes des observatoires sonores du paysage pour connaître déjà le sonore de leur territoire et pouvoir aménager avec et pour le sonore. Et par le sonore. Donc sur la route là, sur la route là où il y a les reposoirs là. Ouais, ouais. entre les clochers, les machins et tout, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il y a quand même une pollution de voiture assez importante. On s'est aperçu que une structure toute seule ne pouvait pas avoir toutes les compétences par rapport au sonore. Et que pour faire avancer les choses en matière d'écologie sonore, pour être efficace, la seule solution, c'était de mettre en complémentarité les différentes compétences et les différentes spécialisations, de pouvoir faire travailler ensemble des chercheurs, des artistes, des pédagogues, des naturalistes, toutes les spécialisations en lien avec le sonore, d'où l'idée de mettre en place un réseau d'écologie sonore. Et c'est donc sur ce projet de réseau d'écologie sonore que l'intempestive se termine. C'était un documentaire dans la série Phonographie, on écoute les écouteurs, un parcours dans l'histoire et les activités du Centre de découverte du son basé à Cavan, en Bretagne. Un grand merci aux anciens de l'association, Martine Launay, Yvette Bivic, Jacques Bichet et Gilbert Priol, ainsi qu'à ses salariés, Guy-Noël Olivier, Di Marius, David Chéreau, Jérôme Hamelin, et Sébastien Toinen. Vous avez pu entendre des animations proposées par le Centre, ainsi qu'un Fest Day organisé en octobre 2012 avec Louis-Jacques Suignard et Patrick-Marie Auchan. Parsèment également le documentaire des extraits de production sonore du Centre, notamment le CD Campanaire, réalisé par Marie Guérin. Vous avez pu entendre Gildas Moal et René Chaplin au Bignou et à la Bombarde, le CD Graphonique Cavanaise et le CD Estuaire du Trégor, le temps d'une marée, avec notamment cette très belle improvisation à la flûte de Jean-Michel Veillon sur les galets de Breston que vous venez d'écouter. Vous pouvez réentendre tous ces CD sur le site bretagne-terre-a-écouter.info. Pour le site du centre, c'est plus simple, www.découvertesonore.info. Cette émission sera rediffusée samedi à 1h sur le 88.4 de Radio Galère, et elle sera en ligne sur www.intempestive.net en libre écoute et téléchargement. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.